Mon cœur est un manoir croulant et solitaire, un vieux manoir perdu de l'antique Occident, entre qui veut le vent, la brume et le mystère, par ses corridors vont rôdant. Ils sont chez eux dans ce vieux cœur mélancolique, haut et profond et tout tapissé de regrets, dans l'ombre pour ne pas heurter quelques reliques, leurs pas se font lents et discrets. Dans ma vie et qui porte comme une torche d'or ta jeunesse à la main, reste au seuil de mon cœur, ne franchis pas ses portes, sois la passante du chemin, sois celle dont on dit je l'eusse aimée, et celle qu'on suit d'un long regard songeur presque attristé, puis qu'on oublie et qui pourtant laisse après elle comme un sillage de clarté. C'est assez pour mon cœur, l'ombre peut redescendre, le vieux manoir perdu qui n'a plus d'habitants gardera jusqu'au soir sur sa face de cendre le reflet bon long de tes 20 ans. Le reflet